Je ne sais pas si je vais. Je ne sais pas où je vais. Avancer ou reculer. Pleurer ou chanter. Penser tout haut. Shut up.